Voilà, nous y sommes. Alors, je vous dois combien ? 5 francs au compteur. Voilà, 5 francs. Allons, bon, je n'ai plus de petite monnaie. Combien voulez-vous ? C'est pour le pourboire, 10%. Ça fait 50 centimes. Voilà, monsieur, merci. Merci.